Abordons maintenant l'actualité juridique du mois. Violation d'un pacte de préférence. Il peut arriver que, malgré l'exercice d'un droit de préemption conventionnel sur des droits sociaux, celui qui a consenti ce droit vende les titres à un tiers. Dans ce cas, le bénéficiaire du pacte de préférence a droit à des dommages-intérêts si l'exécution de la cession à son profit ne peut plus être ordonnée. Voici une application de ce principe. Les associés de trois sociétés exploitant des magasins de bricolage sous contrat de franchise avaient consenti au franchiseur un droit de préemption en cas de cession à un tiers de leur titre. Informés par les associés de leur volonté de céder leur participation, le franchiseur avait exercé son droit de préemption, mais les intéressés avaient cédé leur titre à une société tierce. Cette dernière, ainsi que les associés, ont été condamnés à verser au franchiseur environ 5 millions d'euros d'indemnisation à un double titre, perte de la chance de tirer profit des titres acquis et de se développer, préjudice propre de concurrence déloyale liée à la perte de représentation de l'enseigne, de l'image et à la dévalorisation de la marque.